Maï, yeah yeah, l'homme qu'on appelle Kidjab, Iradeo, 90 Belfort, 9Z, blablabla, bla, bla. On chante notre tristesse, on chante ça, on chante notre tristesse, blablabla, bla, bla. 9Z, Je chante ma tristesse. Et souvent quand ça va pas, je demande God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Souvent j'ai de la mélancolie, je chante ma tristesse. Et souvent quand ça va pas, je demande God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Mon Dieu, bénis nos âmes car notre esprit se bat en latte. Ce monde est à la dérive et la folie nous narre. Quand le soir la vie m'épuise, je lève les mains au ciel. Je prie pour que le futur de mes mondes soit de miel. Je te donne de mon amour, de ma peine, de ma joie, de ma déroute, de mes larmes, de mon sang et de ma foi. On veut la paix, je te le jure, ne pas payer pour la guerre. Mon Dieu, bénis nos âmes de rédemption, je suis à la quête. Souvent j'ai de la mélancolie, je chante ma tristesse. Et souvent quand ça va pas, je demande God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Je chante ma tristesse. Et souvent quand ça va pas, je demande God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Souvent enfermé dans ma bulle, j'capitule. J'me rends compte que la vie est une bataille difficile. Même si c'est dur, je ne vais pas me rendre. J'me lève avec les armes qu'il m'a donné, j'avance. J'ouvre les yeux et pas à pas, il me rend plus fort. J'abandonne pas, je multiplie les efforts. Et avec sa grâce, je relativise. J'ai la santé et de surcroît, je ne dois pas être faible. Souvent j'ai de la mélancolie, je chante ma tristesse. Et souvent quand ça va pas, je demande God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Souvent j'ai de la mélancolie, je chante ma tristesse. Et souvent quand ça va pas, je demande God bless. God bless. God bless. God bless. Folie passionnément, je t'avoue que par moments le goût de la passion me manque. Et maman, je te dédie ces quelques rimes de politesse. Une pensée à nos morts, de petits mots, God bless. Quand c'est la crise, j'ai qu'une seule emprise, God bless. Et il paralyse toutes les mauvaises pensées qu'elle s'étanne, me banalise. Et je canalise cette force qui m'assise. Souvent j'ai de la mélancolie, je chante ma tristesse. Et souvent quand ça va pas, je demande God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Souvent j'ai de la mélancolie, je chante ma tristesse. Et souvent quand ça va pas, je demande God bless. God bless. God bless. God bless.